Ça marche? C'est bon. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On va commencer la journée debout éducation populaire. Donc aujourd'hui, on a quatre interventions de 15h à 19h. On va commencer par Samy qui vient nous parler du détournement économique et démocratique de Google. Donc pour vous rappeler un petit peu le fonctionnement de debout éducation populaire, il y a environ 20 minutes de présentation et ensuite 40 minutes de débat. Donc on vous invite à vous rapprocher, à venir vous asseoir et à écouter et ensuite à débattre avec nous. Voilà, donc je ne sais pas si où tu veux te mettre, mais je te laisse la parole. Merci, merci. Je ne sais pas si on m'entend bien comme ça là. Le son il est un peu bizarre, non? Allez hop! Qui veut participer à un débat incroyable? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, salut, salut. Je sais pas si on m'entend, ça va? Non? Tu veux que je me mette devant? Je sais pas si ça va faire du bruit. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire si on est bien entendu ou pas? Moi, je vous entends. C'est sympa. Est-ce que tout est ok, c'est bon au niveau son? Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ben voilà, alors je commence le débat. Ceux qui sont intéressés pour parler de démocratie, d'économie et de numérique, vous êtes le bienvenu. Merci d'être nombreux et aussi passionnés par ce petit débat. Voilà, ça y est, j'ai appelé. Allez, c'est le début. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Samy. C'est la deuxième fois que j'interviens à Éducation Populaire. C'est toujours sur le même sujet, je suis désolé. C'est le seul qui me passionne, on dirait non. Ça s'appelle Google. Détournement économique et démocratique. Alors la dernière fois, j'avais parlé énormément de détournement économique. Je vais essayer de le faire un petit peu moins en détournement économique, mais un peu plus en détournement démocratique, à savoir que c'est assez compliqué parce que le détournement démocratique de Google, il n'a qu'un seul but, c'est l'économie. Hein, il ne faut pas se leurrer, hein, ils font pas ça pour nous emmerder, hein, ils sont super sympas. Ils font ça juste pour se faire encore plus de blé, donc voilà. Alors Google, c'est quoi? Ben c'est un moteur de recherche. Et si je parle de Google aujourd'hui, ben c'est pas parce que j'ai quelque chose contre eux, loin de là. À vrai dire, j'en avais presque rien à foutre de Google même. Même si bon bah ben, comme beaucoup, il y a au moins 10 ans, je trouvais Google incroyable. Hein, je me dénonce. Je trouvais ça génial. Je me suis dit c'est top et tout. C'est trop efficace et tout. J'ai beaucoup changé d'avis ces 5-6 dernières années. Et d'autant plus que je me suis intéressé au modèle économique d'une entreprise en particulier qui n'était pas Google. Et en creusant le modèle économique d'une entreprise qui était assez particulière et qui fonctionnait comme Google à fond dans le numérique, je me suis aperçu qu'elle était placée assez particulièrement par Google sur le domaine numérique, c'est-à-dire sur Internet et sur son positionnement notamment. Alors, cette entreprise-là, je vais la nommer, hein, ça s'appelle Priceline. Je suis sûr que vous connaissez tous Priceline. Non, ça dit rien à personne, je sais, c'est normal. Priceline, c'est un fonds américain qui a la particularité de placer des sous, plein de pognon. C'est sympa, hein, j'ai rien contre le pognon non plus. Hein. Mais aux États-Unis, quand vous voulez une retraite, en fait, c'est pas comme en France, vous cotisez pas. Hein, vous prenez vos sous à la fin du mois et c'est à vous de les placer. Hein, ça marche comme ça. Et ça fait des gros fonds, des fonds de retraite hein, américains, voilà. Et ces fonds de retraite américains, ils gardent pas les thunes hein, de côté comme ça pour les redistribuer à la fin de la carrière. Ils les investissent et le but, c'est de faire encore plus d'argent avec l'argent qu'on a à la base et de le redistribuer. Voilà. Et dans ces gros groupes, vous en avez un qui s'appelle Priceline, qui n'est pas ça serait mentir de dire qu'il est uniquement composé que d'argent de retraite, puisque c'est un groupe qui est coté au Nasdaq, si je ne fais pas d'erreur. Et tout le monde peut prendre des actions, mais la majorité des actions et la création de départ de Priceline repose essentiellement sur cet argent. Donc Priceline, c'est quoi? C'est une entreprise incroyable déjà, qui a pris 3000% en 10-15 ans. C'est incroyable. Vous mettiez 1 euro, vous gagnez 3000 euros. C'est top. Et si vous regardez la courbe, vous tapez Priceline et regardez sur les images sur Internet, vous avez une courbe incroyable. Et c'est top quoi. C'est plein de pognon. Alors comment ils font leur argent? Eh ben, ils ont acheté plein de sites internet en fait, plein de sites internet plutôt basiques, plutôt ordinaires, dans un qui est hollandais, qui s'appelle, qui est plus ou moins hollandais, qui est surtout américain, mais dont son siège social est en Hollande, et qui s'appelle Booking.com, ce super site de réservation d'hôtels. Et ils n'ont pas que Booking.com, mais ils ont aussi Kayak. Kayak, le comparateur de sites d'hôtels, ça tombe bien, ils se comparent eux-mêmes. C'est génial, j'adore. Ils ont Agoda, par exemple, aussi. Hein. C'est un site asiatique très réputé en Asie pour tout ce qui est voyage. Hein. Ils en ont encore beaucoup d'autres, on va pas tous les détailler. Et à vrai dire, ça m'intéresse pas. Ben, en remontant en fait les pratiques de ce groupe, eh ben, je suis très vite arrivé, très vite, et malheureusement trop vite pour moi, sur Google. Et j'ai compris que ce groupe, on en avait quasiment rien à foutre, quoi. Et que tout ce qui était au cœur de beaucoup de problèmes, et pas que de ce groupe-là, mais d'énormes groupes, tous les gros groupes qui détruisent énormément d'emplois, c'est-à-dire Amazon, par exemple, hein, que ça soit Expedia, La Fourchette, Uber, et beaucoup tellement d'autres, quoi. Eh ben, y avait toujours Google à la base. Je me suis dit, mais merde, pourquoi Google n'attaque pas les marchés qu'il met en avant lui-même? Ben, c'est pas compliqué, Google elle va éviter de vendre du séjour, du voyage, du billet d'avion. Parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas, parce que tout simplement ils sont déjà accusés de trust, de concurrence déloyale. Donc ils se mettent en avant eux-mêmes. Et donc ils peuvent pas investir tous les marchés, ils peuvent pas. Ils essaient de proposer de façon très limitée et menaçant des comparateurs de vol. D'hôtels, de restos, de beaucoup de choses. Mais ils le font de façon très mesurée et pour garder la main sur un marché encore plus énorme. Donc voilà. Alors comment ça marche concrètement? Eh ben, vous avez un petit site qui se crée et puis ce petit site-là, on va prendre un exemple. Alors on va rester dans les hôtels. La dernière fois, j'avais pris les restaurants. C'est simple. Vous avez, 10 hôtels sur la place de la République. C'est génial, top. Dont statistiquement, 7 sur 10 sont des indépendants. Et 3 sur 10 sont des hôtels de chaîne, hein, grosse chaîne française par exemple, Accor. Accor, c'est une grosse chaîne en France qui merci, ouais, tu vas voir. Hop, et donc t'as 10 hôtels sur la place et puis t'avais une petite entreprise qui se créait en Hollande et qui demandait aux hôteliers de mettre 5 à 6 % 3 d'abord, peut-être même 3 % de leurs revenus dans leur site à condition qu'ils leur amènent du monde. C'est-à-dire que quand vous preniez un séjour qui coûtait une centaine d'euros, l'hôtel reverse 3 euros au site en question pour figurer sur cette plateforme. Donc ce qu'on peut appeler un portail. À ce petit jeu-là, il y en a un qui a explosé donc et qui aujourd'hui a changé de nom mais qui s'appelle Booking et Expedia aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, ils ne demandent plus 3%, ni 8% d'ailleurs, comme c'était à la base, ni 12%. Aujourd'hui, ça tourne autour des 20-25%. Voilà. Donc, quand vous prenez un séjour dans un établissement, ou même un resto, ou n'importe quoi, hein, c'est quasiment 25% du montant qui arrive dans les poches de ces gros sites. Alors là, jusque-là, tout pourrait aller correctement. Seulement, ces gros sites-là, et bah, ils ont une ambition, c'est-à-dire de représenter un maximum d'établissements et de même d'avoir toute la demande et toute l'offre. Et c'est là où ça devient vicieux parce que sur la place, je vous avais dit qu'il y avait 10 établissements. Si on avait un ou deux qui étaient sur ce site-là, eh ben, ils étaient d'accord pour payer, pour récupérer un peu plus de passages. Mais à partir du moment où tous les hôtels ou tous les restos sont sur ce site, je sais pas, on m'entend bien, c'est bon ? Hop, hop, hop, hop, hop, hop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, par exemple la fourchette récupère tous les restaurants, hein, ils ne ramènent plus de volume à proprement parler au un restaurant en particulier. Donc tout le monde vient à payer 10, 15, 20% du chiffre d'affaires sur la totalité de l'offre. C'est très dur à expliquer, mais mettons qu'il y avait simplement 20% des gens qui passaient par cette plateforme-là. Si les 1-2 établissements figurés sur cette plateforme-là récupéraient ces 20%, ça leur ramenait du monde en plus. Mais à partir du moment où tout le monde est sur cette plateforme, et à partir du moment où ces sites font une com énorme, et là je reviendrai dessus sur la communication, ils récupèrent 100% de la demande, donc il y a une très très grosse communication, disons venez par ici, c'est moins cher, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais et donc ils récupèrent toute la demande et toute l'offre, et là ils sont juste en péage, et c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe et ils prennent 20-25%. Alors là, je vais revenir sur Google. Google n'est pas étranger à tout ça puisque dans ces techniques-là, il y en a une que j'affectionne plus que d'autres qui s'appelle le brainjacking et c'était mon sujet. Le brainjacking, c'est pas compliqué. Et ben là, j'avais parlé d'un restaurateur, je vais continuer à parler de lui. C'est pas le seul qui est touché. Hein, mais je vais quand même parler de lui parce que c'est génial. Il se présente aux élections. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sais pas s'il est bien. Je sais pas si c'est... je fais pas sa promo. J'en ai rien à foutre. Il se présente aux élections pour la 7e circonscription de Paris, pour les législatives, donc il veut devenir député. Et il est propriétaire de deux restaurants, un qui s'appelle Les Philosophes et l'autre qui s'appelle La Chaise au Plafond. Et il s'avère que quand vous tapez La Chaise au Plafond, par exemple, hein, ça arrive rarement, mais quand vous tapez La Chaise au Plafond, et ben tout de suite vous allez avoir ce qu'on appelle, ce que Google appelle une publicité ou un lien sponsorisé, qui se place devant les résultats naturels, de façon aléatoire, hein, de façon à ce qu'on ne prenne pas l'habitude de cliquer en dessous automatiquement. Donc de façon aléatoire, s'affiche 1, 2, 3 ou 4. En général, ça commence par 4, 3, 2, 1 et ensuite 0. Plus vous faites de la recherche, moins on en affiche. Et en tout cas sur la même recherche. Hein. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ben, le brainjacking, et ben, par exemple, ils vont mettre le restaurant, la chaise au plafond. Et là, c'est dans le titre. C'est tombe bien, c'est ce que vous cherchiez, c'est top. Hein. On vous propose en premier résultat, un résultat sponsorisé, qui est celui que vous cherchiez, qui s'appelle la chaise au plafond. Et quand vous tapez, hop, c'est génial, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous arrivez sur un site qui n'est pas la chaise au plafond, qui a un portail. Basique. Alors en général, lui, dans son cas, lui, il appelle au secours, c'est TripAdvisor. Le portail en question, c'est un super site d'avis de merde. Je suis désolé de le dire comme ça, avec plein d'avis truqués, mais c'est pas grave, on s'en fout. TripAdvisor, et puis là, sur TripAdvisor, c'est top. On vous propose de mettre des dates pour sélectionner des dates de réservation pour, bah voilà, vous vouliez aller avec votre copine ou avec votre meilleur pote manger dans un super resto. Vous pouvez le réserver sur TripAdvisor, c'est totalement magique. Hop, on essaie de le réserver, et là, bah, c'est pas disponible. Et ouais, c'est pas disponible, il vous dit pas pourquoi, il vous marque non disponible, qu'on soit honnête. Des fois, c'est un peu plus hard, ils mettent complet, en toutes lettres, en gras. C'est un peu moins sympa. Et là, ils vous proposent d'autres établissements disponibles. Alors en fait, le petit restaurateur là, il explique très bien. Hein, il dit voilà, j'ai remarqué que les restaurants disponibles sur TripAdvisor, c'est ceux qui fonctionnaient avec la fourchette. Et la fourchette, c'est une plateforme aussi, un peu comme TripAdvisor. Un site, pas un site d'avis, mais quand même, un site de réservation de resto. Et là, on vous propose de réserver votre resto sur un resto La Fourchette. Alors La Fourchette, bah, c'est un modèle économique, hein, comme Booking, comme Expedia, comme Google. Comme... C'est pas gratuit, hein, faut pas l'oublier. Il va voir le restaurateur, il lui demande 10% et 2 euros par couvert. Donc c'est top, on adore. À savoir que cet argent, en plus, sort de France sans payer d'impôts, c'est encore plus chouette. Alors là, ce qui se passe concrètement pour le petit restaurateur, c'est qu'il est affiché comme complet, sauf s'il accepte de donner 10 à 20% de, ouais, 2 euros sur un, enfin 2 euros par couvert, 2 à 3 euros par couvert plus 10% de la note, c'est quasiment 20% du repas, quoi. Donc, s'il fait pas 20% de marge, le mec, bah, il a plus de marge, hein. Il faut qu'il fasse plus, hein. Sinon il est foutu. Il fait 20, c'est le même cas avec les agriculteurs, j'adore. Les agriculteurs, c'est pas sur Google, heureusement, mais ils sont totalement cannibalisés par ces actions-là de distributeurs, d'intermédiaires. Et bah, typiquement, moi j'ai un pote qui est agriculteur, voilà, il fait pousser des trucs chez lui en Bretagne. Et il a pas envie d'utiliser des pesticides ni des engrais, et il est obligé. Il est obligé parce que il m'explique que pour être rentable, il faut qu'il fasse du volume, vu que par volume, il gagne quasiment rien. Hein, on lui verse des clopinettes, hein, il lui reste sur ses 20% de marge qu'il espère, et ben il lui reste 1%, même pas, d'ailleurs c'est même pas vrai, dans l'agriculture c'est 50% ou plus qui part pour les intermédiaires et les distributeurs, mais c'est pas grave. Alors là, concrètement, lui il fait pousser, il se casse la tête, il travaille 60 heures par semaine, il paye ses impôts en France, tout se passe bien, tout est ok, et puis il est obligé de faire pousser plein de trucs, travailler comme un acharné, je suis perdu, j'y arrive plus, acharné. Et il met des engrais chimiques et des pesticides parce que s'il fait pas 3 tonnes par hectare, il est dans la merde. Hein, c'est pas compliqué. Alors naturellement, il y avait 1,5 tonne à 2 tonnes qui poussent, mais bon, il fait pousser 3 tonnes. Et il a de la chance, ça marche bien. Et puis quand il n'y a pas de problème au niveau du climat, c'est top. Il arrive à se faire un minimum d'argent, donc c'est un peu con. Et ben c'est la même chose avec les restaurateurs. Et c'est la même chose, j'ai envie de dire, même avec les compagnies aériennes, avec les billets de train. Je l'avais déjà dit, c'est un petit peu moins vrai puisqu'il y a un monopole, celui de la SNCF, heureusement. Je suis pas pour les monopoles, mais là, ça le sauve. C'est vrai pour, j'ai dit, les compagnies aériennes, les hôtels, les restos. Ça commence à être vrai pour tout, en fait, la vérité. C'est affreux. Donc voilà, alors typiquement, je redonne un dernier exemple. J'avais donné l'exemple d'un hôtel qui est dans le 5e arrondissement. Bah, il est toujours vrai. À savoir que les exemples sont beaucoup plus vrais pour les hôtels que pour les restaurants. Hein. C'est normal, historiquement, le voyage sur le numérique, sur Internet, c'est la première valeur d'échange historique. Hein. Quand l'Internet a explosé, la première chose qu'on a vendue en masse, et en masse absolument incroyable, hein, au-delà du deuxième rapport, ça a été le voyage, parce que c'est très dématérialisé comme service, hein, on n'a pas besoin de venir vous le livrer chez vous, c'est vous qui allez vers lui. Et puis on a besoin de renseignements avant de partir en voyage, on organise, on rêve un peu, on est tous un peu comme ça, je crois. Donc qu'on faisait pas ça avec des guides papier, ben maintenant on a un nouvel outil, c'est un guide médiatique numérique qui s'appelle Internet, et ça nous permet de prendre plein de renseignements, de discuter, de voilà. Donc le voyage, le billet d'avion qui coûtait très très cher, et ben on pouvait l'acheter par Internet. L'hébergement, ça coûte aussi cher, on peut l'acheter sur Internet, et ça créait une valeur énorme. Et c'était top, et on n'avait pas besoin de logistique pour venir vous livrer ça, puisque c'est vous qui alliez à ça. Donc voilà, alors tous mes exemples sont beaucoup plus vrais sur le voyage que sur autre chose, malheureusement. Quand on tape le nom d'un établissement, et c'est ça le brandjacking, et ben on va vous afficher un lien sponsorisé, donc un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, qui va vous ramener sur une première plateforme, un deuxième, une troisième, une quatrième plateforme. Et vous allez passer par cette plateforme et vous allez réserver votre séjour et puis la plateforme va vous renvoyer vers le producteur, j'ai envie d'appeler ça un producteur, le producteur de service. Et lui, il accepte de donner entre 25%, plus réellement entre 20% et 50%. Hein. À savoir que vous avez un super documentaire sur D8, là, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est passé cette année en février, qui montre qu'une petite hôtelière dans Paris qui est obligée de donner, pour être première sur ce site-là, 50%. Voilà. Si vous mettez 50%, vous êtes parmi les premiers dans votre catégorie sur ces sites. Donc c'est comme ça que ça marche. On va me dire, oui, mais pourquoi un restaurateur, un hôtelier, je sais pas, moi, il y a plein d'autres trucs, accepterait d'être sur ces sites-là, puisque ça lui prend 25, 30, 40, 50%. Bah ouais, le gars, il est con, quoi. Bah non, il est pas con, on lui laisse pas le choix, à savoir que, par exemple, vous avez un petit hôtel, là, qui s'appelle... Comment il s'appelle, lui, déjà? J'ai oublié totalement. Il est dans le 6e arrondissement, à côté du Sénat, c'est pas celui que je présente d'habitude, et je m'en fous. Hop, on oublie. Et bah lui, quand vous tapez son nom, je suis désolé, je vais essayer de m'en souvenir... Ben, quand vous tapez son nom, et ben tac, vous avez tout de suite une première publicité, un premier lien sponsorisé. D'ailleurs, il y en a qu'un seul, c'est un gros coup de bol. C'est TripAdvisor, et puis là, on vous propose de mettre vos dates sur TripAdvisor. D'ailleurs, quel que soit l'hébergement que vous prenez sur TripAdvisor, hein, même si c'est un séjour UCPA, vous connaissez l'UCPA, d'accord ? Et ben, on vous propose de mettre des dates pour réserver votre séjour. C'est top, TripAdvisor, ils sont connectés avec tout le monde. C'est totalement faux, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez mettre vos dates, et là, ils sont connectés avec personne. Là, en l'occurrence, puisqu'il n'a pas de système de réservation sur Internet, le bonhomme. Il ne met pas ses stocks, il ne met pas ses prix. Et là, il vous marque comme complet ou non disponible. Voilà. Ça, c'est ce cas-là. Donc, le gars, il perd son volume, il perd son nom commercial, puisque quand les gens le cherchent sur ce qu'on appelle un moteur de recherche, qui n'est ni plus ni moins un super annuaire, hein, là, on le redirige vers quelque chose qui n'est pas lui, et on lui dit qu'il n'est pas disponible. Et immédiatement, TripAdvisor, c'est ça qui est magique. Et ben, comme ça lui coûte de l'argent de faire des liens sponsorisés, il va tout de suite vous reproposer une dizaine d'autres établissements qui là sont disponibles et qui ont accepté de payer parce qu'ils avaient tout simplement pas le choix. C'était la même chose pour eux. À savoir que au début c'était peut-être un petit peu moins hard même puisqu'on leur demandait simplement 3, 5, 6, 7, 8%. Aujourd'hui, bon, on est plus à 20%. Donc ils ont réussi à avoir une masse sur le marché comme ça. Et avec tout cet argent-là, ils font une communication telle sur les médias, à la télévision, dans les journaux, que on a absolument envie de passer par eux. On se dit, mais pourquoi on passe pas par eux? C'est tellement plus pratique, tellement plus efficace. J'ai envie de dire oui, c'est très pratique. On n'a pas eu besoin de chercher un établissement à se casser la tête, à en faire 10 pour trouver la date qui nous intéresse. On met celle qui nous intéresse et hop, on a tout de suite le bon truc. Seulement, ce qu'on vous dit pas, c'est que dans les dates où c'est plein, les établissements vont refuser de jouer le jeu. Vous allez avoir que les établissements qui sont très chers, que les restaurants qui sont très chers, enfin voilà. À ce petit jeu-là aussi, il se passe autre chose, c'est que Google contacte ensuite ces établissements, hein, parce que le modèle économique de Google, faut en parler, c'est pas compliqué. Il repose à 83% sur la publicité, hein, ce qu'on appelle de l'AdWord. L'AdWord et l'AdSense, c'est le produit phare de Google. C'est les liens sponsorisés qui sont avant vos résultats. Il me reste 5 minutes. D'accord. Avant les résultats de recherche, j'ai essayé de faire long, j'ai fait exprès. Avant les résultats de recherche, vous avez tapé des noms, un nom commercial, et ben là, top, vous avez des résultats de recherche qui vous ramènent sur ces AdWords, donc ces trois premiers liens qui sont des liens sponsorisés. Et là, vous pouvez afficher vous-même les liens sponsorisés à condition d'y mettre le prix, puisque c'est un système d'enchères. Plus les mots-clés sont demandés, plus vous mettez dessous, plus vous avez de chances d'y être. Donc c'est que les 3 à 4 premiers qui y sont, hein. Faut pas se leurrer. Si vous êtes, si vous mettez 5€ et que le deuxième a mis 3€, c'est 5€ par clic pour Google. Alors c'est heureusement loin des 5€, c'est plutôt rare. Sauf si vous mettez des trucs très basiques comme avion Paris-New York. Là c'est plutôt 10-20€ même le clic. C'est hallucinant. Ça tourne plutôt autour de 1,78€ en moyenne, hein. C'est le clic moyen sur Google, sur TripAdvisor. Voilà. Donc à ce petit jeu-là, ils sont très forts, ils prennent 15 à 20% aussi. Et donc ils contactent les établissements pour leur demander de faire des AdWords eux-mêmes pour éviter de se faire brainjacker, c'est-à-dire qu'un intermédiaire rachète leur nom commercial, et à condition de mettre plus que l'intermédiaire, ils peuvent être devant l'intermédiaire et réussir à éviter ce problème. Donc jusque-là, tout va bien. Je vais pas approfondir là-dessus parce que j'ai déjà plus le temps. Alors là où Google fait de la casse démocratique, à mon sens, c'est peut-être le plus intéressant. C'est que c'est aujourd'hui, vous avez le PDG de Google qui est en Allemagne et qui expliquait très gentiment qu'il y en a marre que Google soit accusé de ne pas payer ses impôts. Alors Google ne paye pas ses impôts, en tout cas on paye très peu, ils font quasiment 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez une annonce cette semaine qui dit sur le Figaro qu'ils ont payé 6 millions et quelques d'impôts sur les sociétés. À savoir que sur 2 milliards c'est très peu, hein. C'est toujours la même réponse de la part d'Uber, Airbnb, TripAdvisor, Google, c'est toujours les mêmes réponses qu'on a, c'est-à-dire tout simplement excusez-nous, on paye nos impôts, on respecte la loi, on paye nos impôts. Ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils les payent à minima et que effectivement la loi est mal faite, mais ils peuvent exporter leurs bénéfices ailleurs. Vu que c'est très dématérialisé, ils considèrent tout simplement que leurs bénéfices sont faits ailleurs, un peu comme McDo. Alors McDo ou Starbucks, c'est le même modèle, tiens. McDo ou Starbucks, on va prendre l'exemple de Starbucks. Starbucks, pour la première fois, fait du bénéf en France et ne paye pas d'impôts. Hein. La première fois qu'ils font du bénéf, c'est tout simplement parce que d'habitude ils s'arrangent pour pas faire de bénéfices. Hein. Faut pas se leurrer, ils en font quand même. Et en fait, ils s'autofacturent eux-mêmes des droits d'utilisation de noms. Par exemple, vous avez la filiale France qui va reverser des royalties pour utiliser le nom Starbucks à la filiale américaine. Enfin, c'est pas comme ça, c'est en Hollande. C'est la filiale hollandaise qui récupère les sous de la filiale France en disant t'as fait 20 millions d'euros de bénéf cette année, ça tombe bien, on va te faire une facture à 20 millions d'euros pour utiliser le nom Starbucks. Hop, et les 20 millions partent en Hollande. En Hollande, ils sont super super intéressants, ils sont super sympas là-bas, parce que l'impôt, c'est pas 33, c'est pas 40, un peu comme en France. Ils négocient en fait à la tête du client en fonction du volume et tout ça. C'est 3% là environ, 3,5%. Hein. Luxembourg 3,5, 3% en Hollande, 12,5% en Irlande. Voilà, Google est en Irlande, c'est 12,5%. Donc ils prennent cet argent en Hollande, et puis là en Hollande ils sont très contents, ils récupèrent des millions d'euros sur de l'argent qu'ils n'auraient jamais récupéré de toute façon, donc c'est top. Et là vous avez les responsables en Hollande, le gouvernement hollandais, qui explique: oui, on le fait, c'est très normal, on s'en fout d'ailleurs, on accepte de le faire uniquement, on est honnête parce qu'on accepte uniquement de le faire pour les entreprises qui créent des emplois en Hollande. Alors en fait ils leur imposent de mettre leur siège social en Hollande, on leur impose de faire plein de trucs comme ça. Et puis, c'est pas comme au Luxembourg, on ne met qu'une boîte aux lettres. Hein. McDo, une boîte aux lettres, ils sont deux, hop, ils récupèrent des millions, c'est top. En Hollande, non, ils doivent installer des sièges sociaux. S'ils ont 200 salariés en Europe, eh ben, il y en a 190 qui sont en Hollande. Donc, ils récupèrent aussi les emplois. Alors, le Luxembourg, c'est un sujet hyper intéressant parce que M. Juncker, qui est luxembourgeois et qui est aussi accessoirement un des hauts responsables dans l'Union européenne, ce mec-là, il est génial parce que il a fait de son pays un paradis fiscal, hein, c'est top. D'ailleurs, McDo, on voit ses sous au Luxembourg, 3,5% d'impôt, je rappelle, et ne paye pas d'impôt en France, dommage. Derrière, il y a ce mec-là qui quand même, là, en ce moment, actuellement, est en train de passer à la télé, en train de dire, merde, l'Espagne, le Portugal, on va vous mettre des amendes dans la gueule, parce que vous êtes en déficit. Vous êtes en déficit, mais ils sont en déficit. Pourquoi les Espagnols et les Portugais? Parce qu'il y a des grands groupes qui ne payent pas leurs impôts. Amazon, Google, Booking, Expedia, TripAdvisor, d'autres, j'en sais pas. Microsoft, Apple, je pourrais en citer comme ça des millions. Mais on s'en fout. Donc ils payent pas leurs impôts, et puis ça tombe bien, comme il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, et comme il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, mais il y a encore des dépenses parce qu'il y a encore des services sociaux, il y a encore des services publics. On est obligé d'avoir des médecins, des écoles, enfin je sais pas, on peut parler plein de trucs comme ça. Ils n'ont pas assez d'argent et puis ils s'endettent. Ils s'endettent, et ça, c'est pas dans les droits de l'Union européenne, et c'est normal, parce que ça déséquilibre l'Union européenne dans le sens où la monnaie risque de s'affaiblir, l'économie risque de s'affaiblir, il y a des incertitudes, enfin, toute une histoire économique derrière. Mais c'est quand même incroyable que ce type-là qui flingue les autres pays soit aussi placé comme une personne qui peut les condamner pour ne pas être suffisamment performant, à savoir que le Luxembourg crée et ne produit pas grand-chose à mon sens. Je pourrais en parler encore des heures, je crois que j'ai dépassé mon temps. Est-ce qu'il y a des questions qui veulent être posées, ou est-ce que je continue peut-être, non? Si, de toute façon, je parlerai encore. N'hésitez pas. De toute façon, tu continueras en répondant aux questions. Oui, du coup, on va passer à la partie débat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même des choses à rajouter sur ce qui a été dit. Juste d'ailleurs, sur ce que tu viens de finir... c'est très court et après je te le passe. Sur ce que tu viens de dire, en fait, ça me fait penser carrément en fait à du vol, hein, clairement. Parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent acheter un service, par exemple, même chez McDo, des gens qui viennent acheter un service, enfin, qui viennent acheter, voilà, un besoin, on va dire. Et l'argent, enfin, ça, normalement, il est censé revenir à l'État. Et donc là, pour moi, c'est clairement du vol, en fait, organisé, quoi. Et sinon, j'avais une question plus technique, c'était sur par rapport à Google Maps. Parce qu'il y a quand même des gens qui cherchent sur Maps directement, par exemple si t'es là, t'as envie de trouver le truc le plus près. Et comment ça se passe? J'ai pas trop d'infos sur les. Est-ce qu'il y a les liens sponsorisés aussi mis en avant? Moi j'avais l'exemple typique là d'un ami justement qui est dans la coiffure. Ils sont pas du tout référencés sur Google, mais donc là je pense qu'ils sont déjà même pas référencés sur Google, donc sur Google Maps. Apparemment ils ont même pas quand on tape sur Google on trouve rien du tout, mais apparemment bon, je pense que c'est eux qui ne sont pas fait l'effort, quoi, mais voilà. Alors ton ami, soit un internaute va le mettre sur Google, soit toi tu vas le mettre sur Google, soit lui il va le mettre sur Google. Le nom change de ce service. Actuellement je crois qu'il s'appelle Google Business Service. Je suis pas sûr. C'est tout simplement le truc que vous voyez à droite quand vous tapez un nom commercial. Par exemple, Grand Optical République, si vous tapez ça sur Google, vous aurez sur le côté droit, si vous le faites sur un ordinateur, ou en plein milieu de l'écran, une image de la façade de Grand Optical à République. Là, tout de suite, vous la voyez. Et puis, il y a le numéro de téléphone. Et puis, il y a une petite note avec des étoiles, si les gens ont noté, 1 à 5 étoiles. Et ça, on peut le créer soi-même. Alors, pour ça, il faut créer un... compte, j'aime pas dire ça, je suis en train de faire de la pub à Google, saleté quoi. On peut créer un compte et puis voilà, et puis c'est vraiment des enculés parce que derrière ils détournent les gens. Alors un jour où vous allez chercher des lunettes pas chères, c'est pas encore le cas, vous allez avoir des comparateurs de lunettes, par exemple, trouver vos lunettes pas chères, meilleure paire de lunettes et tout. Et ben ce jour-là, et ben ça sera pas Grand Optical qui sera devant, ça sera l'intermédiaire qui sera devant. Et Grand Optical, on en prendra plein la gueule. Le service de coiffure, c'est pareil. À savoir qu'un service de coiffure, c'est très dur pour Google. Alors Google n'attaque pas tous les marchés. C'est affreux hein, ce que je dis, mais à savoir que les intermédiaires ont détruit l'agriculture. Google est en train de faire la même chose avec tous les secteurs. Seulement, il y a des secteurs qu'ils ont du mal à attaquer. Alors ces secteurs-là, c'est des secteurs un peu artistiques. La coiffure est un secteur un peu artistique. On peut se faire coiffer de façon différente. Plus un produit est standardisé, plus un service est standardisé, plus il est simple à attaquer. Un super exemple, c'est la pizza. Moi, j'ai une pizza que j'adore à côté de chez moi. Il s'appelle, je m'en fous, hein, c'est pas grave, hein, je fais pas de pub, je travaille pas là-bas. Il s'appelle Pizza Dino. Pizza Dino, c'est super chouette. C'est un mec qui est à Châtillon dans le 92. Je suis en train de me poucave. Qui fait des pizzas. Et puis là, souvent, bah, moi, j'ai envie de commander des pizzas chez lui, mais je retiens jamais son numéro de téléphone. Alors, je cherche Pizza Dino Châtillon. Et là, sans faire attention, une fois, je clique sur le lien, sur un lien qui est au-dessus, là, et puis hop, je clique, et puis ça compose le numéro, c'est pratique, hein, Google. Ça compose le numéro, et là, je tombe sur le truc, et puis je reconnais pas la voix de mon pote Dino. Et je me dis, merde, je suis où? Et le gars, il se présente comme service de livraison de pizza, oui, allô. En fait, c'est juste une boîte qui n'a aucun restaurant, qui livre des pizzas partout dans le 92. Dans le sud 92 et qui récupère en achetant les mots pizza, dino, châtillon ou un autre nom, et ben il récupère ce flux là. J'avais donné comme exemple mon pote, hein, j'ai un autre pote, alors c'est pas le même, il fait pas des pizzas et du piano. J'ai un pote qui a un magasin de piano à Versailles. En tout cas, il travaille là-bas. Il l'a pas, mais il travaille, il est sympa. Il accorde et il restaure des pianos. Ça s'appelle Juste un piano. Et tiens, je faisais l'essai ce matin pour voir si vous pouviez faire l'essai. Vous tapez Juste un piano à Versailles ou pas, Juste un piano. Et là, vous avez tout de suite un autre lien qui est au-dessus du résultat. Hein. Lui, y a sa Google Business, c'est-à-dire la photo, son numéro de téléphone, sa notation, ses heures d'ouverture. Et juste au-dessus, vous avez juste un piano numéro 1 en France. Achetez votre piano chez nous. Et quand vous cliquez, c'est pas juste un piano à Versailles. C'est une autre boîte qui est pourrie d'ailleurs, je vous la déconseille, qui se trouve à Paris. Et je dirai pas laquelle, vous avez qu'à vérifier. Et qui a une particularité, c'est que leurs pianos sont pas terribles. Hein. Voilà. Je dirais pas pourquoi ou presque, mais ceux qui sont intéressés par les pianos, ils comprendront. Hein. L'autre question que tu me posais, c'était sur la position des pubs dans Google Maps. Alors la position des pubs dans Google Maps, elle est pas compliquée. Hein. Google essaie de faire un maximum de blé partout. Donc il y a des mises à jour, une énorme mise à jour d'ailleurs, qui est apparue ces trois dernières années, qui est tout simplement la mise en position de liens sponsorisés dans Google Maps. Alors on le voit pas, comme ça en tout cas. Par exemple, moi je cherche un truc en particulier, un resto, enfin toujours ces mêmes services en fait, hein, un service où on va vers ce service. Hein. Que la logistique est suffisamment forte pour nous ramener jusqu'à nous, ce qui est assez maintenant de plus en plus répandu. C'est pour ça que Google est tout à fait détestable, parce qu'ils attaquent comme l'agriculture, mais sur tous les marchés possibles. Donc c'est abominable. Et puis là on a le prix. Alors t'as remarqué que des fois t'as le prix quand tu tapes sur Google Maps, t'as des prix dans les bulles, t'as le service et puis t'as le prix. Et quand tu cliques sur le prix, ça te ramène sur le distributeur. Ça te ramène soit sur le distributeur, soit sur la personne qui a accepté de mettre les sous, comme, je sais pas moi, Grand Optical, s'ils acceptent de mettre les sous. À savoir que c'est à double tranchant, parce que ça c'est un thème un peu particulier, un peu difficile, mais qu'on t'accepte de toi-même, parce que bon, t'en as marre de te faire détourner ton nom. Le brainjacking, c'est publicité détournement. Brainjacking. Quand on a marre de faire détourner ton nom commercial, moi je sais pas, je crée une boîte de communication design, j'en ai marre de me faire détourner quand on voit mes clients sur d'autres trucs. Google me téléphone en me disant, tu sais, tu peux racheter toi-même ton propre nom et investir sur ton propre nom. Donc c'est top, j'avais donné l'exemple, on m'appelle, boum, oui, allô, salut, est-ce que tu veux acheter ton propre nom parce que d'autres l'achètent et détournent ta marque. Donc autant que tu la détournes toi-même vers toi, c'est tellement mieux. C'est top. À ce petit jeu-là, j'avais expliqué qu'ils arrivaient à prendre 15%, donc 1,78€ par clic, à condition que vous cliquez qu'une fois dans la journée. Si vous cliquez plusieurs fois dans la même journée, ça ne compte pas la deuxième fois, hein. Heureusement, ils sont honnêtes, hein. Ou presque. Donc à ce petit jeu-là, pourquoi 1,78€, c'est 15 ou 20%? Parce que tout simplement, des fois, vous allez cliquer et pas prendre le service même. Et ça arrive souvent, surtout pour des restos où le mec, il a, 50 places dans son resto. Si t'es le 60e ou, si t'es le 25e et qu'il avait que 20 places, on va te dire non, c'est complet. Et à ce petit jeu-là, les TripAdvisor, Booking, Expedia, La Fourchette, les billets d'avion, les comparateurs de services en tout genre, eux, ils te proposent tout de suite un concurrent qui est, lui, disponible à côté. Tu voulais aller manger au chat qui grince à côté, et puis mince, le chat qui grince est complet, mais en face, ça tombe bien, t'as le chien qui dort. T'as le chien qui dort, et hop, là, lui, il est pas complet. Ou il a accepté de donner des thunes. Donc voilà. Une autre question, peut-être ? Ah, Sébastien, tu veux poser une question, je le sens. Samy, excuse-moi, mais tu parles de Google au niveau économie et démocratie. Pour moi, Google, en fait, quand il est apparu à l'époque au niveau d'Internet, pour moi, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le monde, en fait, le message était passé par le bouche à oreille, ce qu'on appelle le téléphone arabe, et on s'en sortait encore 10 fois mieux que maintenant. Depuis que Google a existé, moi, pour moi, oui, c'est question d'économie, mais pas démocratique. Parce que au niveau de la démocratie, ça serait que tout simplement tout le monde se réunisse et tout le monde parle de ce qu'il y a des sujets qu'il connaît. Ou même d'autres choses, de ce qu'il pense en lui-même, dans son cœur, au lieu de l'écrire sur un bout de papier ou même de l'envoyer sur une page comme qui appartient à Google, qui s'appelle Facebook, comme Twitter, comme n'importe quelle page. Et de pouvoir dire ses volontés comme il le sent, comme il le voit et comme il respecte, comme dans les années de nos grands-parents, nos parents et n'importe qui. Il se passe que par rapport à ça, on sait, entre guillemets, nous, la nouvelle génération après nos parents, on s'est quand même retrouvé dans une situation, dans une société de consommateurs 100% matérialiste, dans le sens que tout simplement on regarde beaucoup la télé, on regarde aussi beaucoup, on peut dire que tous ensemble, on va surtout sur les iPhones ou sur les mobiles pour pouvoir aller voir tout de suite au niveau de YouTube ou au niveau de Telegram ou de Facebook, aller voir les petites infos. Qui sont simplement créés par des personnes qui ont été créateurs de la consommation. Créateurs de la consommation, pour moi, c'est un but, c'est que tout simplement nous, on va sur YouTube, on va sur Facebook, on va sur n'importe quel site qui appartient à Google, et quand tu le disais que tout simplement ils versaient que Google devait verser recevaient de leur part une petite somme au niveau de la TVA par rapport à tous les autres sites. Pour moi, franchement, on arrive au niveau de la consommation 100% médiatique. Et cette consommation médiatique, elle est hyper importante. Parce que qui, à ce temps-ci, peut se passer d'un smartphone ? Personne. Qui voudrait voter pour pouvoir avoir à nouveau notre chère cabine téléphonique sur les places ou partout ailleurs, depuis que le téléphone portable a existé, qui n'existe pas. Non, mais c'est que tout simplement, là je parle d'un sujet, oui, mais ce sujet-là est coordonné par rapport à l'économie. Alors je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que c'est trop long et j'ai oublié le début de la question un petit peu. Alors je vais essayer quand même. On me dit oui, je parle de Google que dans la façon économique, mais Google n'est que économie, hein. Ils sont pas là pour faire du social, hein. Faut pas croire. On me parle aussi de communication, de publicité, tout ça. Oui, Google c'est une marque, hein. Ça a une valeur de marque énorme. Et c'est pour ça qu'on va vers elle. Et tout ça, c'est un montage, hein. C'est comme Airbnb, Uber et tout ça. C'est fait par des communicants et tout ça. Et la principale valeur de Airbnb, qui n'a rien de technologique, hein, c'est sa valeur médiatique. Hein. Ensuite, on me parle de ouais, mais je parle pas assez de démocratie. Alors, je vais en parler de la démocratie. Google, ils veulent faire du blé, donc il y a pas de souci. On le sait. Comment ils font du blé? Ils vendent des liens sponsorisés entre 1 et 4, devant des mots-clés, souvent qu'on fait une recherche qui a un sens commercial, c'est-à-dire un vêtement, un produit, un service, n'importe quoi. On va vous placer des liens sponsorisés, hein, dès que ça a une valeur commerciale, on vous place des liens sponsorisés. Si c'est que culturel, on vous met pas de liens sponsorisés, hein, c'est très rare. Si vous faites des recherches sur des musées, des monuments, des institutions, on vous met pas de liens sponsorisés. Hein, Google évite de mettre des liens sponsorisés devant des musées ou des institutions. Ils sont très proches du pouvoir et le pouvoir pourrait se rendre compte du détournement énorme et de la casse économique qu'ils font, et ça serait pas cool. Et là, là, on a des exemples, hein, des députés qui ont été directeurs de musées et qui n'avaient pas connaissance de ces problèmes-là, parce que ben, même si leurs musées vendaient des billets, et ben on ne mettait pas en avant des plateformes qui vendent les mêmes billets ou des billets pour des spectacles, ainsi de suite. Donc c'est la partie culturelle est une chose qui est très délicate, et ils ont raison de pas y aller à fond, parce que sinon ça serait depuis longtemps que Google ne ferait pas le même business. Donc où est la casse démocratique? Ben la casse démocratique, vous avez un super article du Monde ou Le Figaro ou d'autres, hein, qui en parlent, mais surtout Le Monde, un super article qui dit que sur les 10 dernières années, environ 70 personnes de la Commission européenne, donc que ça soit des conseillers, des élus ou des personnes haut placées dans la Commission européenne, hein, ont rejoint. Laisse-moi finir, je suis en train de répondre à ta question. D'accord, je sais de finir pour la Commission européenne. Donc vous avez 70 personnes de la Commission européenne, c'est ta réponse, qui ont rejoint Google. Alors Google ne va pas recruter des personnes de la Commission européenne pour rien, hein. Ils sont attaqués par la Commission européenne de toutes parts sur des lois antitrust et ainsi de suite. Et donc ce qui se passe concrètement, c'est que en recrutant ces gens-là, ou pour les remercier d'une action passée, ou pour les utiliser dans une action future, en recrutant ces gens-là, ils s'assurent une entrée particulière, une écoute particulière par les dirigeants européens, par les décideurs européens. À savoir que l'un des principaux conseillers du Premier ministre sortant anglais était directeur de Google en Angleterre, que vous avez deux personnes qui ont été recrutées, et c'est pas des moindres quand même, qui sont une personne qui est une femme qui s'occupait de tout ce qui était loi antitrust, enfin tout ce qui était consommation au niveau européen. Donc elle a été recrutée par Google. Au niveau américain, c'est la même chose, c'est un bonhomme, il a été recruté par Google cette année ou l'année dernière, je sais plus. Et c'est pareil, c'est totalement honteux. En ce moment, on parle beaucoup d'un élu en particulier qui était dans l'Union européenne et qui, par exemple, s'est fait embaucher dans une grande banque, hein. Voilà, Monsieur Barroso qui a rejoint une banque très connue, qui est Goldman Sachs, si je ne me trompe pas, et qui avait la particularité d'avoir... Et qui avait la particularité d'avoir eu une action importante dans la crise financière de 2007-2008 sur la crise immobilière qui avait eu lieu aux États-Unis, sur la vente de crédit avec des faibles possibilités de remboursement par les gens, et qui avait donné la crise des subprimes, tout simplement. Voilà. Donc ce qui se passe concrètement avec ces grandes entreprises, c'est que malheureusement, de façon légale, elles le disent, elles font de l'évasion fiscale, que ce soit vers le Luxembourg, l'Irlande, la Hollande. À savoir que nous, Européens, on est bien emmerdés avec ces histoires-là, puisque c'est des pays européens qui permettent aussi cette évasion fiscale. L'Irlande, l'Hollande et le Luxembourg sont dans l'Union européenne. Et comme j'ai dit, Juncker est quand même le principal homme politique européen actuellement. Et il n'était pas moi principal responsable politique dans Luxembourg. Et c'était l'une des personnes qui a permis à son pays de devenir un paradis fiscal. Donc c'est assez ennuyeux. Voilà. Une question peut-être ? Si. Une question par personne. Samy, bonjour. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a une solution ou un plan B par rapport à Google. Merci. Alors, Google, c'est de la merde. On va être honnête tout de suite. Mais c'est une belle merde, dans le sens où, comme je l'ai dit pour les autres, en fait, il n'y a pas de valeur technologique à Google. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, hein. Mais il y a une... La valeur technologique de Google est bien plus faible que sa valeur médiatique. Dans ces cas-là, c'est plus vrai. Je m'explique. L'algorithme de Google qui vous permet d'avoir le lien que vous cherchiez, tout le monde peut le faire. Il y en a plein qui arrivent à le faire. Le problème avec Google, c'est qu'on a pris l'habitude de l'utiliser. On a pris l'habitude de l'utiliser, on aime l'utiliser, ils font beaucoup de communication. Vous avez tous vu la publicité d'un petit Français qui crée son cockpit à, comment ça s'appelle, je vais faire du surf là-bas déjà, à Lacanau. Le mec, il habite Lacanau, il a créé son cockpit d'avion, vous savez, son simulateur de vol. Et puis il a trouvé les pièces sur Google, la pub passe sur Google. Vous avez aussi l'exemple, c'est que de la communication quoi. Vous avez l'exemple de deux petits Français qui font le tour du monde en voiture avec une voiture, je crois que c'est une Peugeot, je crois, une voiture électrique. Et ça, c'est des pubs qui passent sur Google ou votre cupcake là, vous savez le petit gâteau là. Vous avez envie d'en faire un et puis tu dis go Google et puis tu peux faire une recherche à quoi ça ressemble et puis ton gâteau il ressemble pas du tout et tu vas l'acheter à côté, ça tombe bien. Le mec il a donné 10, 15, 20% en lien sponsorisé et puis il a perdu sa marge. Mais c'est pas grave. Oui, il y a des solutions à Google. Le problème des solutions à Google, c'est que Google a bien compris son rôle et qu'il n'est plus qu'un simple moteur de recherche. Il y a Gmail, il y a Android, il y a Google Chrome. Google Chrome, c'est le navigateur. Gmail, c'est la boîte email. Android, c'est ce qui fait fonctionner votre téléphone. Google Maps, Google Images, Google Livres. Non, iCloud, c'est pas du tout ça, mais merci. Il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres choses, tellement de services. Donc, il regroupe une multitude de services que vous trouvez au même endroit. Google Earth, Google Street View. Il faudrait scanner toute la planète pour être au même niveau que Google. Et voilà, et bah ouais, c'est possible. Il y en a qui le font, mais qui le font de façon séparée. Alors, Gmail, c'est de la grosse merde. Gmail, on lit vos emails. Quand vous écrivez des emails parce que vous avez envie d'aller surfer en Thaïlande, et ben vous allez recevoir des publicités. Ensuite, dans vos emails ou dans votre navigation, qui parle de surfer en Thaïlande. Et ça, c'est pourri, quoi. Donc, il y a beaucoup mieux qu'une boîte email Gmail. Seulement, on vous l'impose quand vous avez un Android pour débloquer votre Android s'il vient à être bloqué parce que vous avez trop de fois le mauvais code. Enfin bon, ils sont très très malins. Une autre chose que vous savez pas, peut-être, c'est que Chrome, de façon aléatoire, une fois sur deux, d'après les personnes qui l'ont étudié, installe un DNS. Alors un DNS, Domain Name System, c'est pas compliqué, c'est ce qui vous permet de naviguer sur Internet. C'est pas Google qui l'a inventé, bande d'enfoirés. Mais ça, pour l'occasion, c'est une vraie avancée technologique. Ça vous empêche, par exemple, moi j'ai envie d'avoir des lunettes et j'ai envie de les acheter chez Grand Optical. Ou ma copine veut acheter des vêtements chez Camailleux. Il y a des super trucs chez Camailleux, je conseille, c'est pas cher. Et donc on tape Camailleux. www.camailleux.fr. Et ben ça, c'est le Domain Name System qui permet ça. À savoir que normalement, la page de Camailleux, la page principale du site officiel, c'est derrière une adresse IP qui est incompréhensible, 292.2390.2300, impossible à retenir. Et ben, quand vous tapez le nom de domaine, on le retraduit en adresse IP et on vous permet de vous l'afficher. Quand Google contrôle le DNS, c'est un vrai problème parce que quand il contrôle un DNS sur son navigateur, ça permet à Google de savoir où vous allez sans passer par le navigateur. Quand vous cherchez, sans passer par le moteur de recherche. Maintenant, Google arrive à tracer vos recherches, enfin votre navigation, même si c'est pas une recherche. Vous tapez un truc que vous connaissez déjà, www, la chaise au plafond, c'était le resto que je parlais là. Je suis jamais allé manger là-bas, je fais pas de pub. .fr, hop, Google le sait. Une fois sur deux, va savoir que vous avez navigué là-dessus, que vous avez cherché un resto, que, et va pouvoir vous afficher des publicités en lien avec avec votre navigation, même plus votre recherche. Hein, ça dépasse tout ça. Alors les alternatives, j'en donne une. Là, j'affiche là déjà depuis un moment. J'adore celle-là parce que ça vous permet tout simplement de naviguer sur Internet. C'est top. Ça vous permet de naviguer sur Internet, de vous balader sur Internet en utilisant Google, mais sans avoir les effets néfastes de Google. Je m'explique. U-Block Origine. Alors, il faut pas oublier le mot origine, c'est super important parce qu'il existe aussi un U-Block. Donc, U-Block Origine, c'est un bloqueur de pub. Un bloqueur de pub un peu particulier qui n'est pas comme Adblock. Adblock est un bloqueur de pub qui est une entreprise privée qui propose un service gratuit, soi-disant, et en fait se rémunère sur le fait qu'elle laisse passer par défaut des pubs de Amazon et de Google et demande à Google de lui reverser 3% du chiffre d'affaires généré, ce qui est énorme. Ublock Origin, ça bloque tout. C'est loin d'Adblock, c'est par défaut, ça bloque tout. C'est génial, ça bloque les liens sponsorisés de Google, ça bloque les pubs de Google dans la Google Business, la truc là pour ton ami qui veut devenir coiffeur, enfin qui est coiffeur, où il pourrait par exemple sélectionner des moments dans la journée pour réserver un créneau pour se faire couper les tifs. Moi j'en ai pas, c'est dommage pour moi, mais lui il pourrait. Donc voilà, ça bloque aussi cette pub là et c'est génial. U-Block Origin, ça va aussi empêcher Google de vous traquer. Ça bloque les scripts qui traquent votre navigation. Et ça, c'est top. À savoir que Chrome, par contre, garde son DNS, donc il pourra toujours traquer une partie de votre navigation, mais au moins uBlock Origin va empêcher cette casse un petit peu sociale, et c'est pour ça que j'en parle devant vous, hein, parce que j'en parle énormément de brainjacking, j'en parle avec des élus, comme j'ai dit, je suis parti en parler au ministère des Finances, j'en parle à des députés, j'espère rencontrer bientôt une députée européenne là-dessus, hein. Bienvenue Google si tu m'écoutes, c'est pas la peine de la contacter avant moi, elle te déteste. Et donc voilà, c'est génial parce que derrière le fait que le restaurateur verse 15 à 20% de son chiffre, donc toute sa marge, derrière le fait que l'hébergement, l'hôtel reverse 15 à 20% de son chiffre, donc toute sa marge aussi, le gars il a plus les moyens d'embaucher le petit artisan qui lui permet de rénover ses chaises de temps en temps, de rénover le petit artisan qui va vous faire que la chambre sera plus agréable, de rénover je sais pas quoi encore, le petit restaurateur qui veut rénover sa salle et donc faire travailler, je sais pas moi, un architecte d'intérieur. Hein, et après tout, c'est. Vous avez un... Et en fait, je veux juste vous dire un truc. Si vous allez dans un restaurant et que vous n'aimez pas, hein, eh ben, tout simplement, le mec, il s'est fait avoir, quoi. S'il vous donne des petits pois surgelés, c'est qu'il n'a pas les moyens de les acheter frais, ces petits pois. Quand vous passez par des sites comme ça, vous allez payer plus cher, hein, 20% de marge, le gars, il n'a pas le choix, il est obligé d'augmenter ses prix. Et, ou de baisser la qualité. En général, ils font les deux. Donc, voilà, le gars, il y a une partie qui n'est pas fausse, c'est quand il y a des marges en plus, quand il y a des impôts, quelque part, Google a juste fabriqué un impôt. Hein, voilà, ils sont mis intermédiaires partout. Quand il y a un impôt qui prend une marge énorme, et ben cet impôt doit être répercuté au consommateur final, d'une façon ou d'une autre, par la qualité ou par le prix. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser tout ce que vous avez envie d'utiliser. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est parce que j'en ai marre et que j'ai envie que les gens soient heureux. Hein. Si je prends la parole devant vous, c'est parce que j'ai une ambition incroyable, c'est que les gens soient heureux. C'est un truc de fou. Je rêve que... les producteurs gagnent bien leur vie et que les consommateurs ne se fassent pas avoir et qu'ils arrêtent d'avoir des trucs. Vous avez tous vu meilleur prix garanti, blabla, sur ces plateformes. C'est totalement faux. Vous avez le gouvernement allemand qui a attaqué une grande plateforme d'hébergement, je la cite pas parce que je l'ai trop citée, et qui leur demande d'enlever la notion meilleur prix garanti sur toutes leurs pages concernant les établissements qui se trouvent en Allemagne mais pas à l'étranger parce qu'ils n'ont pas le droit. Hein, ils dépendent que de l'Allemagne ou quand ils sont en Allemagne affichés vers l'étranger. Donc quand vous faites une recherche sur ces établissements-là ou que vous êtes en Allemagne et que vous cherchez un autre truc, on vous enlève la motion meilleur prix garanti. Le gouvernement français a pris une position inverse, ils ont dit une personne peut garantir le meilleur prix. Je te garantis le meilleur prix que la, tu vois, que tout le magasin là, GoSport, si tu veux l'acheter, c'est à 1€. C'est le meilleur prix, voilà. Je te garantis, alors que voilà, et si t'es pas, et si par hasard c'était pas le meilleur prix, et ben c'est à toi de faire jouer la garantie. Tu viens me voir et puis tu me dis non putain, GoSport, finalement c'était 0. Remboursement est 1€. Voilà, c'est à toi. C'est ça la position du gouvernement français, c'est de dire que c'est à vous de faire fonctionner la garantie. Et ça tombe bien, ces groupes-là, on s'en arrange pour que la garantie soit difficilement fonctionnable. Alors ce site-là en particulier, la garantie doit intervenir après l'achat, à moins d'un quart d'heure après, à condition qu'un agent de l'entreprise soit disponible et constate elle-même que ce prix-là soit encore disponible. Si t'achètes GoSport, il n'y en a qu'un seul. Si t'achètes la dernière place dans un resto, la dernière place dans un cinéma, il n'y en avait plus qu'une seule et le prix n'est plus disponible, on ne te garantit pas le meilleur prix sur toutes les places. Donc. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà, une question ? Ouais, en fait, j'ai trois questions. voilà, ça va être rapide, hein, t'inquiète pas. Alors, la première, c'est quand tu as parlé tout à l'heure en dénonçant Google, tu as parlé, en fait, c'est comme s'il y avait un péage. Comme s'il y avait une autoroute, on payait un péage. Et moi, ça m'a parlé, en fait. Et quand on fait la comparaison avec l'autoroute, par exemple, on sait que les autoroutes, ils ont été construits au départ par la Société Nationale et qu'ensuite, les États, comme ils avaient des dettes, en fait, ils ont donné des concessions à des opérateurs privés et maintenant on paye du péage. Et donc la question que je vais te poser, c'est pour Google en fait, est-ce que c'est pareil ou est-ce que l'infrastructure en fait, c'est eux qui l'ont construit ? Ça c'est la première question. Deuxième question, tout à l'heure dans les alternatives, par rapport au parce que Google aujourd'hui c'est quasiment un monopole. Et t'avais dit mais en fait ce monopole, t'avais dit en fait mais tout le monde peut faire pareil, l'algorithme tout le monde peut le faire. Et dans ce cas-là, la question que je voudrais te poser, c'est comment t'expliques que si c'est le cas, ils sont en situation de monopole et que personne ne pénètre le marché et qu'il n'y a pas une concurrence ou une oligopole. Et dernière question. Ta première question, c'était quoi ? L'infrastructure. Alors l'infrastructure Google, Google demande à des opérateurs comme Free, Orange, SFR de créer les ponts qui vont permettre de faire passer les débits. Hein, vous avez tous vu que Free avait eu des gros soucis avec Google parce que Free refusait de donner de l'argent pour créer cette infrastructure parce que YouTube demandait énormément de débit. Hein, regarder des vidéos, ça demande du débit. Et ça demande aussi des capacités à Google et puis il demande aux opérateurs, aux FAI de payer. Hein. Ça, c'est qu'un exemple. Google n'a pas créé l'infrastructure d'Internet. Internet est une chose incroyable qui a été créée pour une chose moins incroyable, malheureusement, qui a vu, en tout cas, une ampleur incroyable dans son domaine militaire, comme beaucoup de choses. L'Internet a été créé tout simplement pour éviter que des zones stratégiques de commandement soient déconnectées des bases stratégiques de lancement de missiles en cas d'attaque nucléaire. Si tu attaquais Washington, il fallait garder à Boston une connexion pour pouvoir balancer l'ordre de taper derrière. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons des créations d'Internet. En tout cas, ça a été la raison pourquoi l'Internet a été financé par l'armée et a vu une utilité militaire. Une utilité militaire. Et les scientifiques avaient besoin de cette utilité pour se faire financer. Les scientifiques américains, l'un des scientifiques qui a énormément participé au développement d'Internet, qui a fait une chose tellement plus incroyable que Google, c'est Tim Berners-Lee, hein, qui est un scientifique anglais et qui travaillait au CERN. Hein, le CERN, c'est toujours dans l'atomique, hein, je suis désolé. Le gars il était là et puis il y avait je sais pas combien de scientifiques autour de lui, des milliers certainement. Il s'est dit merde, on peut communiquer plus simplement avec nos ordinateurs, on pourrait échanger des informations et puis pour échanger des informations et il a créé la page HTML, la page qui vous permet d'afficher du texte et des images, c'est lui. Le 3W c'est à cause de lui, World War Web c'est lui. Hein, tout ça c'est lui. Google, son invention incroyable à Google, ça a été de dire 98-99, explosion des utilisations, explosion des pages, les gens voulaient avoir des accès. Avant il y avait très peu de pages internet, enfin ça a énormément augmenté, mais il y avait très peu de pages internet, on avait du mal à aller sur ces pages là à l'époque où il y en avait très peu, c'était pas compliqué, on allait dans un annuaire. Hein, Lycos était un annuaire, Yahoo, une très grande entreprise, était un annuaire qui existait avant Google, et en fait on vous listait des thèmes, vous aviez la page énorme comme ça avec des tout petits textes, si vous cherchiez, il y avait avec une liste, donc c'était par ordre alphabétique, il y avait animaux en premier, enfin il y avait A, B, C, D, E, F, G, H, je sais pas moi, restaurant en dernier, R, c'était dans la lettre R, vous cliquez sur restaurant et puis là vous aviez plein de restaurants, des pages de restaurants qui s'affichaient, enfin des liens qui s'affichaient pour aller sur la page, et c'était un annuaire, ça fonctionnait comme ça. Google, ils se sont dit merde, on en a marre de cliquer sur A comme animaux et de devoir chercher C comme chien ensuite et de naviguer sur des pages comme ça énormes. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pas aspiré l'internet, c'est pas vrai, mais ils ont archivé les mots-clés qui se trouvaient sur les pages, ils ont fait sortir les mots-clés en premier, ils ont regardé combien de personnes visitaient ces pages. Donc ils ont commencé à savoir, c'est ça l'algorithme de Google, c'est savoir combien de personnes vont sur une page, combien de personnes restent sur une page. Si vous allez sur une page et que vous faites ce qu'on appelle un rebond, c'est-à-dire vous arrivez, vous restez une seconde, vous vous barrez, Google le repère et voit que vous avez eu un intérêt très particulier pour cette page. Votre intérêt n'a pas duré une seconde, ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé sur une page qui vous intéressait. Il déclasse la page en question, disons cette page n'est pas pertinente. Voilà, la deuxième question, c'était quoi? J'ai pas répondu. T'as dit qu'au départ c'était l'armée qui a construit l'infrastructure. Donc en France, est-ce que c'est le cas en France? Est-ce que c'est l'armée française qui a fait l'infrastructure et ensuite qui l'a donné à Free, ou est-ce que c'est directement Free qui a fait l'infrastructure et après qui la loue à Google? Voilà, ça c'est la question. La deuxième question, c'est pourquoi il n'y a pas de concurrence? Pourquoi il y a un monopole? Si comme tu le dis, ça c'est la deuxième, voilà. Et puis la dernière, tu disais Google c'est juste économique, mais est-ce que tu crois pas au contraire que c'est aussi militaire, culturel et que ça va bien au-delà de l'économique? Alors, pardon? D'accord, j'essaie de faire vite, je réponds. Alors, sur les infrastructures, la magie de l'internet, c'est que tout le monde crée son infrastructure, Tu viens, tu mets un serveur chez toi, tu as une partie de l'internet chez toi. C'est ça l'infrastructure. Les ponts ensuite, c'est les FAI qui les font, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, qui font des ponts entre chez toi et un autre chez soi, et un autre chez soi, et un autre chez soi. Et plus les ponts sont gros, les FAI, toi, tout le monde participe à la création d'internet, seulement elle est un petit peu confisquée. Donc non, au niveau français, au niveau national, au niveau international, ce n'est pas que l'armée, ce n'est pas que Google, et c'est loin d'être que l'armée, loin de là. C'est d'abord les scientifiques qui ont eu cette idée et qui l'ont développée, et tout le monde a ramené sa brique en fait. Le problème, c'est que quand tu me poses trop de questions, trop d'affilée comme ça, je galère. Ah, pourquoi il y a un monopole? Le monopole, eh ben, il est dans ta troisième question aussi. Il est médiatique en fait. Le fait qu'une personne attaque un marché, c'est comme Coca-Cola. Tu vois, t'as le patron de Virgin qui arrive et puis il explique à la télé, il y a je crois 10 ou 15 ans, on n'arrive pas à faire un Virgin Cola. On n'arrive pas à détrôner Coca-Cola. Coca-Cola est là depuis tellement longtemps, on peut pas les détrôner. T'as un truc américain qui dit premier arrivé, premier placé, premier gagné. Je sais plus, je sais pas comment on prononce ça, j'ai oublié. Virgin a fait des tests, ils ont mis les gens dans le noir, ils ont fait boire du Coca-Cola et du Virgin Cola. Ils sont aperçus que les gens préféraient le Virgin Cola. Ils ont tellement bien travaillé sur le Virgin Cola que les gens dans le noir, ils préfèrent le Virgin Cola. Quand tu remets la lumière, Coca-Cola gagne. C'est pareil avec Google. Médiatiquement, ils ont un tel impact, la valeur commerciale de Google tient plus de sa, ce que je disais, hein, j'ai déjà répondu à cette question, du coup, tient plus à son modèle médiatique, comme Airbnb, qui est une merde absolue, hein, qu'à son mode technique, en fait. Voilà. Il y a très peu de technique derrière, tout le monde peut créer du Google. Le problème, c'est que maintenant, Google a pris une telle avance sur plein de sujets différents qui n'est plus seulement le moteur de recherche et les a rassemblés tous les uns les autres. Et quand vous faites une recherche ou pas une recherche ou quand vous utilisez quelque chose, on vous trace et on vous permet de vous mettre des produits devant. Et puis voilà, ça a pris une telle ampleur vaste que c'est incroyable. Je finis juste sur Ublock Origin en disant Ublock Origin est un bloqueur de pub qui est génial. Je vous l'invite à télécharger, il ne faut pas oublier le mot Origin. Pour l'occasion, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est créé par un petit Canadien qui d'ailleurs veut pas d'argent, vous pouvez même pas lui faire de don. Il refuse tout argent, c'est pour ça qu'il y a Origin à la base, parce qu'il avait créé Ublock, qu'il avait donné à un mouvement citoyen, enfin ils avaient créé ça à plusieurs. Et puis les gens d'Ublock ont dit, bah non, on va ouvrir le truc, on va se faire du blé, on va permettre à des annonceurs de laisser passer certaines annonces, un peu comme Adblock. Et non, en fait, il a recréé Ublock Origin, et là ça bloque tout, c'est génial. Je vous invite vraiment à le télécharger, ça crée de l'emploi. En France, ça, en tout cas, ça a envie d'en détruire, parce que vous imaginez bien que le petit restaurateur qui veut faire marcher l'architecte d'intérieur, eh ben, il peut pas parce qu'il a pas les sous. Tous les sous sont partis, que ça soit chez La Fourchette, TripAdvisor, Google ou un autre. Hein. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler. Alors attends, je suis désolé, Sébastien. Comme le monsieur a pas encore parlé, je vais. Ouais, je suis désolé, c'est bon. On fait toujours comme ça. Il a pas encore parlé, le monsieur. Ça va être très rapide. La polémique Union européenne Google. Voilà, et ça sera la dernière. Bon, alors vas-y, mais vraiment comme lui. Et deuxième question, qu'est-ce que tu attends de vouloir que le peuple français organise par rapport à Google? En deux minutes, ça va être dur. Le peuple français, non, je commence par là. Non, toi c'est plus intéressant, je fais finir là-dessus, tu vas voir, ça va être génial. Le peuple français, j'attends rien, à part une... Enfin, je suis du peuple français non plus, je parle de tout citoyen, que ce soit français ou ailleurs. J'attends qu'il y a un réveil. En fait, j'ai même pas besoin d'attendre qu'il y ait un réveil. Si j'étais venu avant de vous parler de Google et que j'avais mis le micro sous le nez, Google c'est bien ou pas bien, la plupart ils auraient dit c'est pas bien, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a tellement un impact médiatique, vous savez que c'est pas bien. Il y a des trucs qu'on fait et vous savez c'est pas bien. Mais manger des pesticides, c'est pas bien. Mais on le fait quand même. Et du coup, moi je suis juste venu expliquer pourquoi. Alors maintenant que vous savez pourquoi, maintenant que vous connaissez une solution qui est d'utiliser Google sans utiliser les pubs, ce qui est compliqué, puisqu'une personne sur deux ne fait pas la différence entre un lien sponsorisé et un lien pan sponsorisé. Ça, c'est le CSA anglais qui le dit, hein. Ça s'appelle Lovecom, hein. C'est une enquête de 2016. Ou d'installer Ublock Origin et d'éviter de cliquer sur la pub. Il faut pas perdre de vue que ces grands groupes-là ne payent pas d'impôts en France, ne payent pas d'impôts d'ailleurs très peu ailleurs, et ainsi de suite. Concernant Google et l'Union Européenne, c'est pas compliqué. Pour une fois, il y a quelqu'un dans l'Union Européenne qui est génial, qui est la commissaire à la consommation et à la concurrence, là, qui est une femme politique incroyable, qui parle d'ailleurs très bien français, et qui attaque Google de plein front, qui fait feu de tout bois, qui l'attaque sur trois thèmes. Sa position dominante, 1, donc la mise en avant de ses services, 2, l'utilisation d'Android, hein, ça c'est le deuxième thème énorme qui est attaqué parce qu'il est accusé de position dominante aussi sur les Android et arrive à l'attaquer aussi sur une autre position dominante sur son moteur de recherche. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais n'attaque pas sur la position dominante, enfin, n'attaque pas sur le brainjacking, sur le fait que quelque part ils ne font plus que de la publicité, ils font du racket aussi. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, j'attends rien de l'Union européenne à part un réveil de l'Union européenne et des décisions fortes prises par l'Union européenne sur ces questions-là. J'ai peur qu'il n'y arrive pas puisque l'Union européenne est vérolée de personnes qui sont achetées par Google et des personnes qui ont travaillé chez Google ou qui vont travailler chez Google ou qui actuellement ont travaillé dans l'Union européenne. Il y en a 70 qui ont travaillé dans l'Union européenne et qui aujourd'hui travaillent chez Google. C'est vraiment un problème. Et je finis en disant juste une chose, en remerciant le PDG de Google qui était en Allemagne et qui dit « On est prêt à payer plus d'impôts en Europe, mais il faut que le monde se fasse une loi mondiale pour que l'impôt soit payé. Si le monde décide de faire une loi mondiale, nous respecterons cette loi. » Mais Google fait tout son possible pour que le monde, le G8, le G20, ne prenne pas cette loi, ne fasse pas cette loi. Voilà. Donc je remercie le PDG qui, d'un côté, dit « On va respecter la loi s'ils arrivent à la faire passer, mais on va tout faire pour pas qu'elle passe. » Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samy. Et merci à vous d'avoir assisté et participé. Donc on va accueillir maintenant Emmanuel, qui va nous parler de argent, de gratuité dans l'acte thérapeutique. Bonjour, je te laisse la parole. Bon, mais bonjour. Alors, explique-moi. Attendez, je vais juste pour un petit point technique pour enregistrer. Donc, juste une petite seconde.